et bienvenue à toutes et à tous dans une nouvelle édition du Mac d'Actu. Alors, le mois de janvier est déjà bien entamé et je suis sûre que parmi vous qui nous écoutez, nombreux sont ceux qui rêvent déjà de leur prochain été entre mer et montagne. Bien entendu, partir en vacances, c'est le moment essentiel que tout le monde attend pour se ressourcer, se créer de beaux souvenirs. Et pourtant, il y a beaucoup de familles dont la précarité des ressources ne permet pas cette bulle d'air. Alors heureusement, il existe des associations qui portent des actions solidaires auprès des publics les plus fragilisés. C'est le cas de Vacances et Familles qui agit depuis des années dans ce sens. Et aujourd'hui, nous accueillons justement Lucie Maignan qui est chargée de développement territorial pour cette association. Lucie qui va nous expliquer comment tout ça s'organise sur le terrain. Bonjour Lucie. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous apporter votre éclairage sur ce qu'est précisément cette association Vacances et Familles ? Alors Vacances et Familles, c'est une association nationale qui existe depuis une centaine d'années. Et en Indre-et-Loire, on est présent depuis 2021, donc c'est assez récent. Et l'idée de Vacances et Familles, c'est de permettre à chacun, chacune de partir en vacances. Et donc, nous accompagnons des familles et des personnes isolées dans leur projet de séjour. Et donc, c'est des familles ou des personnes seules qui ne partiraient pas en vacances autrement. Donc, il peut y avoir des freins financiers, des freins psychologiques, des freins à la mobilité. Et donc, nous, on propose un accompagnement avant, pendant et après les séjours. Comment vous les repérez, ces familles qui, du coup, ont besoin d'un accompagnement ? Est-ce qu'elles doivent s'inscrire, vous solliciter ? Est-ce que c'est des acteurs sociaux qui vous font un appel du pied en disant bah, « Tiens, cette famille-là aurait bien besoin d'eux ?» Eh bien, c'est un peu tout ça. Ouais. Donc, on a soit des familles qui nous appellent directement, parce que le bouche à oreille, ça marche très, très bien. Mmh. Nous pouvons aussi travailler avec, je ne sais pas, des assistants ou assistantes sociales qui vont nous orienter des familles. Ou ça peut être avec les centres sociaux, les espaces de vie sociale. Donc, on essaye de travailler avec une pluralité de partenaires pour notamment pouvoir orienter des personnes qui en auraient besoin. Et vous-même, dans votre parcours personnel, Lucie, vous êtes travailleuse sociale à la base ou pas du tout ? Pas vraiment, ah. Mais on va dire que je gravite autour du social. J'ai fait un master de sociologie. Oui. Et avant de travailler pour Vacances et Familles, je travaillais dans une association qui organisait des séjours adaptés, donc à destination d'adultes en situation de handicap mental. Donc, j'aimais déjà les vacances et aider les gens à partir en vacances. Bon, on voit qu'il y a une appétence pour l'aide à son prochain, oui, en tous voilà. Les cas. Tout à fait. Alors, du coup, vous avez intégré cet asso depuis combien de temps ? Alors, moi, ça fait un an et demi que D'accord. je travaille pour Vacances et Familles. Et alors, quand on parle de vacances, on parle uniquement de la période d'été ou est-ce que ça comprend d'autres moments de vacances ? Alors, pour les familles, on propose surtout en été. Mm-hmm. Ça peut être aussi aux vacances de la Toussaint. Et aux vacances d'avril. Sinon, pour les personnes seules, on a des séjours en septembre. D'accord, hors saison. Hors saison, tout et à oui. fait. Parce qu'en fait, les aides vacances sont distribuées uniquement aux familles et elles doivent partir pendant les périodes de vacances. Elles ne peuvent pas partir hors saison. D'accord. Et alors, votre rôle, vous, de chargée de développement dans tout ça, ça consiste en quoi ? Alors, à plein de choses. À venir sur Radioactive pour nous parler du dispositif, par tout exemple. Tout à fait. Et c'est un moment plutôt sympathique. Merci beaucoup, Lucie. On a oublié de dire d'ailleurs qu'on n'était pas que toutes les deux. On a Lilian qui était avec nous et on a failli oublier de te saluer. Alors, Lilian. Oui, bonjour à tous. Je me faisais discret, en fait. Donc, mon rôle, c'est de faire vivre l'antenne Indre-et-Loire. Donc, ça peut être en cherchant des bénévoles, en animant la vie bénévole. Je dois aussi m'occuper du côté budget, donc les subventions, etc. Mmh, mmh. Mais mon plus gros travail, c'est d'aider des familles ou des personnes seules à partir. Donc, notamment faire le lien avec les partenaires, rencontrer les familles et faire les dossiers, les aider à partir, les accompagner. Et je dois aussi préparer l'accueil. Et l'accueil, c'est quand on accueille des familles en Indre-et-Loire, car il y a des gens qui viennent en vacances en Indre-et-Loire. Mais on a une magnifique région et c'est vrai qu'il y a plein de choses à y voir. Alors justement, c'est quoi le contenu d'un séjour ? C'est-à-dire quand on arrive en Indre-et-Loire, comment ça se passe ? Alors, les familles qui arrivent en Indre-et-Loire, soit elles arrivent avec leur voiture, ou si elles n'ont pas de voiture, elles arrivent en train, souvent, parfois en bus, mais la plupart du temps en train. Et donc, la particularité de Vacances et Familles, c'est d'avoir des bénévoles, mais super bénévoles, souvent je t'appelle, qui donc accueillent les familles. Parce qu'en fait, on a beaucoup de gens qui ne sont jamais partis en vacances. Donc, l'idée de partir une semaine dans un endroit qu'on ne connaît pas, dans un camping où on n'y est jamais allé, ça fait très, très peur. Et donc, il y a des super bénévoles qui accompagnent les familles. Donc, il y a une prise de contact en amont. Et le samedi, sur le quai de la gare, ils accueillent la famille et ils l'aident à s'installer sur le lieu d'hébergement. C'est vrai que ça doit être vachement rassurant d'avoir un point de chute comme ça. En tous les cas, une personne référente quand on arrive sur un nouveau territoire. Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, et puis on en discutait avant cette émission, Il y a aussi une peur, quand on n'est jamais parti en vacances, une appréhension de nouvelles situations, de prendre des transports, de tout plein de choses qui peuvent être freins. Ah bah oui, tout à fait, plein de freins qui bloquent souvent le départ en vacances. Et en fait, il faut s'imaginer quelqu'un qui ne prend pas souvent le train, il faut préparer les valises avec les enfants, on va dans un endroit qu'on ne connaît pas. Un samedi, des vacances scolaires, il y a plein de monde dans les transports, ça peut faire peur. Et donc l'idée d'avoir quelqu'un qui nous accueille, ça rassure beaucoup. Et en fait, si on a des questions, on peut poser nos questions et donc être assuré et tout va bien se passer. Ok Lucie, je vous propose qu'on aille sur la route des vacances, en musique, un petit peu, marquer cette pause avec Golden Brown de The Stranglers. C'est le titre que vous avez choisi pour marquer cette pause et parce que justement... C'était un titre qu'on écoutait sur la route des vacances avec mes parents. Eh bien c'est parti, on écoute. Golden brown, texture like sun, blaze me down, with my mind she runs throughout the night. Never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast, to distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Temptress, through the ages she's heading west, from far away, stays for a day, never a frown with golden brown. De retour sur l'antenne de Radioactive, c'était Golden Brown, un titre choisi par notre invitée d'aujourd'hui. Notre invitée, elle s'appelle Lucie. Lucie Maignan qui nous accompagne depuis le début de cette émission. Lucie qui est chargée de développement territorial et qui nous expliquait comment ça se passe au sein de l'association Vacances et Familles et dispositif qui permet à des familles de pouvoir partir en vacances. Et Lucie et l'équipe de Vacances et Familles est là pour organiser un petit peu tout ça et puis rassurer les bénéficiaires. Alors, justement, les bénéficiaires, c'est qui ? C'est quoi les conditions pour pouvoir partir en vacances avec votre dispositif ? Alors, les conditions, il faut avoir un quotient familial en dessous de 850 et bénéficier des aides vacances distribuées par la CAF et ne pas partir en vacances autrement. En fait, l'idée, c'est que nous, on est là pour accompagner des gens qui ne partiraient pas autrement. Du tout. Voilà, qui partiraient pas du tout. Par contre, on accepte que les petites familles, les grandes familles, que les familles qui sont véhiculées, non véhiculées, là, on accepte tout le monde. Mmh. Mais voilà, un peu les conditions. Et pour les personnes seules ou couples sans enfants à charge, il faut être non imposable. Oui, d'accord. Je crois que Lilian avait une question pour vous, Lucie. Alors oui, moi c'était surtout au niveau de l'endroit. Je voulais savoir, est-ce que c'est des vacances uniquement dans la région centre ou ça se limite pas du tout à ça et c'est dans toute la France ? Alors c'est un peu dans toute la France, mais pas dans toute la France. En fait, on a différentes antennes. En Centre-Val-de-Loire, le 37 est la seule antenne ouverte. Donc on espère pouvoir ouvrir dans d'autres antennes bientôt, mais voilà, ça prend un peu de temps. Sinon, en fait, on peut partir dans les antennes qui sont ouvertes. Donc il y a les Pays de la Loire, la Bretagne, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine et le Sud. Donc il y a moyen de passer de très belles vacances. Très belles vacances. Et en fait, on a des destinations qui font un peu rêver, la mer, Marseille, etc. Mais il ne faut pas se limiter à ça parce qu'en fait, par exemple, si je dis la Mayenne, la Haute-Vienne, voilà, ce n'est pas forcément des destinations qui font rêver. Mais on a des bénévoles qui sont tellement impliqués que les familles reviennent souvent super contentes. C'est des locaux, j'imagine, les bénévoles ? Tout à fait. Ouais, c'est des gens qui sont passionnés par leur... C'est ça. Okay. Qui ont envie de faire découvrir leur région, qui ont envie de, d'aider une famille à partir en vacances, à passer des bons moments, parce qu'en fait, donc on a parlé tout à l'heure de l'arrivée, mais il y a aussi deux animations dans la semaine proposées aux familles. Donc là, c'est les bénévoles qui accompagnent les familles sur les animations. Donc en Indre-et-Loire, on va proposer par exemple une visite de château, un tour en bateau sur la Loire, un parc. Enfin voilà, on essaye de proposer des animations qui vont plaire aux familles et aux bénévoles. Donc c'est souvent des moments très sympathiques en fait, passés entre les familles et les bénévoles. Il y a les enfants, il y a les parents et souvent c'est des super moments. Merci beaucoup. Mais il y a une forte notion de lien social dans tout ça parce qu'en fait, effectivement, l'association, en plus de l'hébergement, elle propose un accompagnement personnalisé pour préparer le séjour, mais elle met en lien des personnes qui vont garder après des contacts. Bien souvent, vous avez d'ailleurs des histoires comme ça, peut-être à nous raconter, des anecdotes Ah oui, bah j'ai des bénévoles ou des familles qui me disent qu'avec des bénévoles d'il y a 2, 3, 4 ans, en fait, ils s'envoient toujours des messages, ils se souhaitent la bonne année, ils s'envoient des photos. Vous me parliez de deux mamans qui habitaient pas très loin l'une de l'autre et puis qui se fréquentaient pas plus que ça, qui finalement se sont rencontrées. Tout à fait. En fait, en juin, on proposait temps de préparation collectif. Donc, c'est des moments pour préparer les vacances et bah, justement être ensemble et pouvoir, je sais pas, on parle de la cuisine, on parle du jeu, comment on s'occupe quand il pleut, parce que malheureusement, parfois, il pleut l'été quand même. Donc, comment on s'occupe dans un mobilhome quand il pleut ? Donc, on essaye de trouver des solutions ensemble. Et dans ces temps de préparation, j'avais eu cet été, enfin en juin, j'ai eu deux bénéficiaires qui ont discuté, elles étaient voisines, mais finalement elles se connaissaient très peu. Et elles ont pu créer du lien. Alors maintenant, je ne sais pas si elles sont amies, mais en tout cas, elles ont pu créer du lien et c'est intéressant. Et d'ailleurs, l'une d'elles est devenue bénévole pour l'association. Ça aussi, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui est important, c'est de voir que des personnes qui sont parties grâce à votre aide deviennent elles-mêmes bénévoles et accueillent d'autres familles. Tout à fait, parce que qui mieux que des personnes qui ont bénéficié du dispositif pour accompagner d'autres personnes ? Et en plus, ça peut permettre en fait, de trouver une occupation, de se rendre utile aussi, prendre confiance en soi. Là, je pense à une personne qui est partie en séjour seule, donc en duo solo en septembre. Et cette personne, elle est devenue bénévole après et il y a un côté un peu confiance en soi, se rendre utile et faire quelque chose. Parce qu'en fait, cette personne, elle a plein de compétences. C'est juste que c'est pas trop quoi faire, quoi. Et donc là, comme ça, elle peut rencontrer des gens et elle voit que ses compétences, elles sont utiles. Donc là, au jour d'aujourd'hui, l'association, elle a quel besoin ? Aujourd'hui, vous venez pour communiquer sur, effectivement, toute l'action. Est-ce que vous avez besoin de bénévoles, besoin de familles qui accueilleraient d'autres familles ? C'est quoi les besoins, là ? Alors, tout à fait, je recherche des bénévoles. Parce que pour l'instant, on a pu accueillir l'année dernière 32 familles en Indre-et-Loire, ce qui est déjà super. Mais cette année, on aimerait en accueillir un peu plus. Et donc, on cherche des bénévoles pour accueillir les familles l'été. Donc, les conditions, c'est qu'il faut être disponible au moins une semaine. Donc, surtout le samedi d'arrivée, le samedi de départ et deux jours dans la semaine. Ce qui est bien, c'est d'avoir un véhicule, donc d'avoir le permis. Et le mieux, c'est d'être en binôme. Mais après, s'il y a une des conditions qui n'est pas réunie, on essaye toujours de s'arranger. On est très, très souple. Et donc, on cherche des bénévoles particulièrement à Amboise. Donc, on fait l'accueil au VVF d'Amboise. Nous cherchons aussi à Chinon, à Tours, à Trogues et à Luynes. Trogues. Très, très grande ville d'Indre-et-Loire qui s'appelle Trogues. C'est dans le secteur de Sainte-Maure-de-Touraine, l'île Bouchard. Ok, donc ces bénévoles, on le rappelle, ils ont juste à être présents, joviaux et chaleureux, on va dire, mais il n'est pas question de proposer l'hébergement chez les bénévoles. On est d'accord complètement à part. Les bénévoles dorment chez eux, ils font leur vie le reste de la semaine. Après, souvent, ils sont un peu disponibles par téléphone, puisque les jours où il n'y a pas d'animation, si la famille a une question, c'est l'interlocuteur ou l'interlocutrice privilégiée de la famille. C'est du bon sens aussi, quoi. Voilà. Mais les bénévoles ne sont pas une semaine au camping avec les familles. De la même manière que s'ils prennent leur véhicule ou engagent des frais, ils sont défrayés par l'association. Tout à fait. Ils sont remboursés. Et on propose des formations tout au long de l'année pour accompagner les bénévoles. Ah oui, c'est intéressant ça. Donc en fait, on propose des formations spécifiques, par exemple à l'accueil des familles, mais on en propose d'autres aussi qui sont ouvertes à tous les bénévoles, par exemple sur l'écoute active. Parce qu'en fait, parfois, quand on est bénévole, on est avec des familles qui ont un parcours de vie qui peut être compliqué. Mmh. Et en fait, c'est un peu comment entendre et soutenir, mais pas tout prendre sur soi. Ça, c'est un exemple de formation, mais on essaye de proposer des formations. C'est super important. C'est intéressant que vous en parliez, parce qu'effectivement, on ne peut pas s'improviser travailleur social. On parlait en début d'émission. C'est important d'employer les bons mots et surtout d'avoir la bonne attitude. C'est ça. Mais souvent, les bénévoles sont pleins de ressources. D'ailleurs, on a différents outils, ils ne sont jamais seuls. Même s'il y a quelque chose qui arrive le soir ou le dimanche, parce que moi je vais pas travailler, je travaille pas le soir ni le dimanche. Comment ça, Lucie ? Non, je décroche de temps. Moi aussi j'ai le droit à des vacances d'ailleurs. Mais on n'est jamais seul. Il y a d'autres bénévoles qui sont disponibles. On a des permanences le week-end. Enfin, il y a toujours une manière de rebondir et de s'entraider. Et on essaye de faire du lien entre les équipes bénévoles, justement, pour mieux savoir comment agir, se sentir libre d'appeler les uns les autres et puis rencontrer des gens aussi, en fait. C'est toujours intéressant. Mais oui. On reste bien sur cette idée. Alors, comment on fait pour vous contacter si une famille d'Amboise nous entend sur Radioactive et se dit, tiens, c'est tout à fait pour moi, ça, et je veux rentrer en contact avec Lucie. Comment ça se passe ? Alors, soit vous pouvez m'envoyer un SMS ou m'appeler au 07 60 12 74 54 ou m'envoyer un mail à l.meignan@vacances@etfamille.org. Mais si c'était un peu trop long comme explication, vous pouvez aussi retrouver ces coordonnées sur le site de Vacances et Familles, ce qui sera peut-être un peu plus simple. Super, merci beaucoup Lucie. Est-ce que Lilian, t'as trouvé que c'était intéressant tout ça ? Bah ouais, j'ai trouvé ça très très intéressant, puis c'est inspirant, puis je trouve ça très très bien pour les familles de région centre et d'autres d'ailleurs. Merci. J'ai retrouvé des chiffres, parce qu'on fait une enquête tous les ans auprès des bénéficiaires. Et oui, c'est vrai qu'en plus, en préparant l'émission, je lui avais dit ce serait bien de nous donner des chiffres, et puis je ne lui ai pas posé la question. J'ai trouvé des chiffres. Et donc, on a fait partir 87 familles et personnes seules l'année dernière d'Indre-et-Loire. Donc, c'est quand même pas mal du tout. Ah ouais. Ce qui représente à environ 340 personnes qui ont pu partir en vacances. Pour plus de la moitié, c'était la première fois qu'ils partaient en vacances. Wow. Et au national, on a plus de 8000 personnes qui sont parties. Et dans l'enquête sur l'été 2024, c'était leur meilleur moment de l'année pour 85% des vacanciers. Donc je pense que ça, c'est génial. C'est génial, ouais. Il n'y a pas d'autre mot. Vraiment, bravo Vacances et Familles, bravo Lucie. Et puis, et pas toute seule évidemment, mais bravo à toute l'équipe. Et les bénévoles. Et les bénévoles. Et puis bien sûr, mais quand on dit l'équipe, on compte les bénévoles de temps. Bien sûr. C'est une seule et même grande famille. Eh bien, merci beaucoup, Lucie. On est ravis d'avoir fait votre rencontre aujourd'hui et d'en avoir appris plus sur le fonctionnement de Vacances et Familles. On espère vous revoir prochainement et on espère que vous nous direz que plein de familles se sont présentées à vous pour devenir bénévoles. J'espère aussi. Merci pour l'invitation et ce très bon moment. Merci, Lucie. Eh bien, c'est la fin de ce mag. On se quitte en musique et on se retrouve demain 18h pour un nouveau numéro. Je fais le plein d'essence, je pense aux vacances. Je fais la gueule et je suis pas le seul. Le ciel est gris, les gens est gris. Je suis pressé, je suis stressé. J'aime plus Paris. On court partout, ça m'ennuie. Je vois trop de gens. Je me fous de leur vie et j'ai pas le temps. Je suis si bien dans mon lit. Prépare une arche de la Noé. Tu vois bien. On veut se barrer, même plaqué or, Paris est mort,